Il n'y a pas de batterie? With someone one day. bientôt. Thank you. No, c'est quoi le deuxième déjà? Looking for. J'ai perdu le. Merde, j'avais un truc pour régler les délais, j'ai perdu. Non, c'est pas ça. Merde. Allez, fume. J'arrive pas à régler mon délai. J'ai perdu. Well, I don't understand. Ah, ça y est. On est à combien là? 100. I'm looking for a delay calculator. And this to. Millisecondes. Ah oh, si, c'est ça. Ah putain, pourquoi ça craque là? Crack. T'entends ma basse là? Phil? Elle va trop forte? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. On va essayer de faire son truc. Hein. It's good. Voilà. Words are travailler ce morceau. Thank you. Ça vient comme ça. Et ça.